rapport du GIEC en 30 ans, le premier est sorti en 1990, des alertes tout azimuts du monde scientifique sur les conséquences d'un réchauffement climatique de la planète. Fait d'ailleurs déjà établi au début des années 70 dans une publication du groupe Total qui expliquait que la combustion d'énergie fossile conduisait, je cite ce petit article qui a été écrit pour les dirigeants de Total donc au début des années 70, à la libération de quantités énormes de gaz carbonique dans l'atmosphère, une augmentation préoccupante, je cite toujours ce petit article, pour le climat à venir. Sujet préoccupant certes et pourtant enterré par les directions du géant pétrolier français, à l'instar de leurs homologues américaines telles Exxon qui prenait même la tête d'une campagne internationale des groupes pétroliers visant à contester dès le milieu des années 80 la science climatique. Depuis, des COP à Tire-Larigot, un sommet de la Terre à Rio en 92, un protocole de Kyoto visant à contrôler la hausse des températures à des niveaux acceptables, protocole signé en 1997, signature réaffirmée en 2015 à Paris. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, célèbre phrase tirée d'un discours de Jacques Chirac au sommet de la Terre de Johannesburg en 2002. Petite phrase qui ne sera suivie d'aucun effet, surtout en France. Des discours, beaucoup de discours, discours sarkozystes, hollandais ou macroniens. Ce dernier tweetant même en août 2019, souvenez-vous, à quelques jours du G7 de Biarritz, je cite, notre maison brûle littéralement, l'Amazonie, le poumon vert de notre planète qui produit 20% de notre oxygène est en feu. Et le voilà, 3 ans plus tard, lors de sa déclaration de fin d'année et après avoir énuméré les faits climatiques spectaculaires, canicules, sécheresses, inondations, incendies de l'année qui s'achevait, qui s'interroge, qui aurait pu prédire la crise climatique ? On en est resté baba. Mais au point où nous en sommes, et vu le niveau de déconnexion d'avec le réel que semble avoir atteint Jupiter saison 2, il serait peut-être judicieux de l'informer de quelques réalités surprenantes avant qu'il n'en soit désolé de ne l'avoir pas su un peu avant. L'hôpital est au bord de l'implosion. La médecine générale est en panne. La majorité de la population ne veut pas d'une réforme de la retraite. L'éducation nationale frise le burn-out. Les prisons ont largement dépassé le seuil généralement admis pour définir la surpopulation carcérale. Les transports ferroviaires sont en panne. J'en passe et des meilleurs. Et bonne année à tous. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 34, réalisé ce soir par Valentin Jiquel. Allez, ce soir, on commence à parler de Détour de Chant, le festival dédié à la chanson qui cette année aura lieu du 24 janvier au 4 février à Toulouse et dans l'agglomération. On en parle avec son coordinateur Philippe Pagès. Et ce soir, on célèbre également Déplumé, le premier album du duo L'Oiseau Ravage, présent dans ce studio pour le célébrer avec nous, Charlène Moura et Marek Kastelnik, les deux membres de ce duo. Et puis pendant l'émission, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission, nous téléphonera de quelque part du Mirail où il se trouve actuellement. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Si ce soir l'on va fêter la sortie du nouvel album de L'Oiseau Ravage à l'impro à partir de 20h30, eh bien demain soir au Taquin à 21h, c'est celui de l'autre big band qui sera au centre de la soirée. L'autre big band, grand ensemble de 18 musiciens monté il y a un peu plus d'un an par le saxophoniste David Potrick, le pianiste Étienne Manchon et le batteur Malo Evrard. Ce big band sort son premier album Joy demain soir. Donc au Taquin, répertoire de composition originale, influencée par les sonorités contemporaines, mais aussi par celles des grosses machines à swing des années 40 et 50. L'autre big band, Blues Tay, une composition de David Potrick, extrait donc de cet album Joy, qui sera donc fêté demain soir au Taquin. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. We'll be right back. Voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon ? Bonsoir Charlène Moura. Bonsoir Marek Kastelnik. Bonsoir. Vous êtes les deux protagonistes d'un duo que dans cette émission on adore assez, au point que certains membres de l'équipe vous suivent assidûment. Ainsi, hier, j'ai pu comprendre que vous faisiez un concert à la pause musicale et que vous avez frisé la standing ovation. On vous entend ce soir à l'impro, juste après cette émission, pour fêter la sortie de votre premier album, Déplumé, j'en parlais en début de programme. On vous verra dans 15 jours dans les apéro-concerts du Grand Rond, peut-être pas dans la même configuration que l'Oiseau Ravage, mais c'est quand même vous deux qui serez sur scène à ce moment-là. L'actualité est assez riche pour vous en ce moment. Oui, 2023, ah, on arrive. Ah ouais. en effet, sortie d'album, alors c'est rigolo, on était en train de se dire que quand même finalement c'est des morceaux qui étaient déjà sur notre site Bandcamp, oui, où il y avait déjà ces morceaux qui étaient en ligne. Voilà, avec une définition or. Oui. Oiseau Ravage, et c'était un album fantôme qui devait s'appeler Or. Oui, c'est vrai, et du coup il y a déjà eu deux enregistrements précédents. Un complètement homemade, ouais, fait dans notre salon. Donc ça, c'était la première chose, mixée par Marek Kastelnik. et puis finalement, on a demandé à un copain, des copains d'ailleurs, de nous aider à enregistrer une deuxième version, qui soit un peu plus, un peu plus propre. Et puis là, ça, on est du coup à la troisième version, et qui date déjà de février dernier. Donc il nous tarde en fait de sortir encore un autre truc. Une quatrième en fait. Version. La seule chose que je peux dire, parce que j'ai écouté les trois versions, c'est qu'au fur et à mesure des versions, les morceaux s'étoffent. Il y a des morceaux qui sont passés de 4 minutes à 5 minutes 30. ça fait pas du bien de vieillir. On le dit, on grossit, et bien la preuve une nouvelle fois. Avant de continuer avec vous et de parler un peu de l'origine de ce groupe, un peu des tenants et des aboutissants de votre musique, on va prendre tout de suite en direct Jean-Pierre Lirac, qui était justement à la salle du Sénessal hier pour la pause musicale. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes de l'autre côté de l'écran? Oui, ben, je sais pas si vous m'entendez, oui. Ah ben c'est assez formidable. D'abord, dites-nous où vous êtes exactement et ce que vous faites en ce moment pour justifier le fait que vous ne soyez pas dans ce studio. Voilà, j'aurais vraiment aimé être avec vous, mais en fait, voilà, il se produit qu'il y a une balade, musicale, poétique, lumière, voilà, au quartier Rennery. Et donc, je n'ai pas pu résister, je suis en train, donc là, je ne sais pas trop ce qui va se passer, je suis là, en quartier Rennery, il y a des contes, il y a des projections sur les immeubles, il y a tous les musiciens de Freddy Morrison qui sont là, et on est parti pour 3 heures ou 4, voilà, et il y a déjà eu Daniel Scaliette qui nous a partagé un conte, accompagné de Sébastien Sirotto, voilà. Donc là, ça repart, je vais suivre la troupe, mais en même temps, je suis ravi d'être avec vous en même temps. Donc, déambulation à la Rennery, exactement où ? Ben, moi, je ne connais pas très bien le quartier, c'est vraiment au cœur du quartier. Rennery. D'accord. C'est vraiment une super idée. Si certains auditeurs veulent vous rejoindre, ils n'ont qu'à se fier. C'est juste à côté de la station de métro, c'est vraiment d'accord. Au cœur du quartier. Et il se fie au bruit. Super, parce qu'ils ont fait des projections sur les immeubles, tout ça, donc voilà. Bon, mais très bien. Donc ça, c'est l'actualité du moment. Déambulation organisée par Freddy Morrison avec tous les musiciens du collectif Quartier La Rennery. C'est pas vraiment le Freddy Morrison qui l'organise, il participe à cet événement. C'est plutôt l'association de Quartier Lumière qui est très active sur le Quartier Rennery. Ouais. Et donc, vous êtes là aussi pour nous parler de ce que vous avez vu hier, salle du Sénéchal, mais plus généralement pour nous parler d'Oiseau Ravage, groupe que vous suivez depuis le début. Oui, je dois dire, j'ai eu la chance de les voir pas mal de fois. J'ai vu au tout début de leur projet, et on les a reçus à Luz, on les a fait jouer au pavé, donc je connais très bien le spectacle. J'étais encore hier à la pause musicale, et ce que je peux dire, c'est au fil des concerts, je crois que je suis de plus en plus impressionné. C'est vrai que c'est un spectacle qui a un peu tout. Il y a la musique qui est magnifique, de musiciens fantastiques. Il y a cette poésie qu'il y a tout le long du spectacle, il y a l'humour. Tout ça, ça fait un spectacle hyper rodé, hyper précis, et ça fonctionne super bien. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le pouvoir qu'ils ont de séduire des publics tellement différents. Et ça, je l'ai mesuré. C'est vrai que hier, le public de la pause musicale était, je pense que j'ai jamais vu une ovation pareille à celle du Sénéchal. Et grand écart, je pense que le public de Jazz Alus, qui est quand même un public qui aime bien les choses un petit peu expérimentales, les choses des fois qui sont surprenantes, et eux aussi ont adoré ce projet. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez fantastique d'arriver. Je crois que je connais très peu de groupes qui sont capables de séduire des publics aussi là. Et je crois que c'est passé tout simplement parce que c'est un spectacle de grande qualité. Donc voilà, j'avais envie de dire un mot dessus parce que je suis vraiment très très fan. Voilà. Eh bien, on l'aura compris avec ce que vous venez de nous dire. On va peut-être en rester là. La communication n'est pas excellente. Pourtant, vous êtes à deux pas de ce studio. Bonne balade. Oui. Gorgez-vous de musique. Nous, on ira voir l'Oiseau Ravage ce soir à l'Impro. Et par rapport à vous, on aura peut-être un peu plus chaud. C'est pas les mêmes conditions qu'à la pause. Non. Ah oui. Encore un autre public et une autre ambiance, oui. À très bientôt, Jean-Pierre. Merci. Voilà, bon, vous voilà habillé pour l'hiver. Revenons un peu sur les débuts de ce projet. Un projet qui fait suite à un trio que vous avez mené aussi pendant très longtemps. J'ai oublié Anticyclone. J'avais presque oublié le titre. Est-ce que c'est vraiment une continuation de ce trio ? Ben, en partie, mais déjà, moi, je voulais juste ouvrir un petit parenthèse par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre. On partage la fanitude, c'est-à-dire qu'on est fan de nous, mais on est aussi fan de lui depuis longtemps. Ça, vous lui direz quand vous le verrez. Oui, mais il est plus à l'écoute. Il est plus à l'écoute, mais en tout cas, on est des grands auditeurs de Jazz Alus, et ça nous a fait une part très plaisir effectivement d'être invités à jouer là-bas. et effectivement d'avoir pu plaire à ce public là et bon bref bon, je dis ça c'est juste que c'est très vrai. Agréable d'avoir quelqu'un comme Jean-Pierre qui fait vraiment des découvertes des très audacieux et voilà. c'est super. Formidable, si un jour j'arrête Caramel Mou je monterai une émission qui s'appellera Déclaration ouais et c'est ça, ça on se fait des déclarations ça sera que des mots d'amour, ça sera formidable oh, ça ouais. sera formidable donc oui. Et moi sur la question de la continuité moi je dirais que forcément c'est de la continuité parce qu'il y a parce que c'est des compositions donc de toute manière on est tu vois en trio il y avait une grosse part de Frédéric avec toute son imaginaire et puis Frédéric Cavalin d'Anticyclone Trio ouais c'est ça avec donc une singularité et voilà quelque chose de très beau à l'intérieur et puis en fait là d'être que deux du coup ça change aussi les paradigmes et puis la manière aussi de s'exprimer mais malgré tout il y a une continuité oui forcément de nos personnalités qui restent là et voilà. C'est vrai que pour vous ça change un tout petit peu, vous prenez en charge une partie des percussions qui ouais. étaient dévolues à Fred sur la première formule, c'est vrai que vous prenez en charge une partie de ces percussions là projet qui tourne autour donc c'était le climat dans Anticyclone et avec des titres de morceaux qui se référaient à ce qui était en train de nous tomber sur la tête et qui continue à nous tomber sur le ciboulot. Avec L'Oiseau Ravage, c'est une autre question que vous essayez d'aborder, mais l'extinction de la faune animale. Oui, enfin, on ne parle pas vraiment de l'extinction de la faune animale, des oiseaux, mais n'empêche. On l'évoque, mais surtout dans L'Oiseau Ravage, c'est aussi une façon de... C'est l'annonce de l'apocalypse, donc c'est là aussi quelque part la continuité d'Anticyclone, puisqu'Anticyclone, il y avait quelque chose de l'ordre de l'humour noir sur ces problèmes climatiques et tout ça. Et comme on fait une musique qui est très imagée, et une musique où il y a de la tension dramatique très forte, une musique assez cinématographique, L'Oiseau Ravage, c'est dans ce sens-là, effectivement, qu'on l'entend et... Et puis du coup, c'est très intéressant parce que ça nous permet de lire énormément de choses en ce moment sur les oiseaux, mais en fait sur le vivant en général. Mmh. Et c'est génial parce que là, en ce moment, en 2023, depuis une dizaine d'années, il y a une littérature incroyable qui est un mélange de littérature scientifique et poétique. Et poétique, exactement, qui fait qu'on apprend énormément de choses sur la nature et pas uniquement de façon bucolique et un peu comme ça jolie, mais ce catastrophisme un peu qui imprègne l'époque, oui. Voilà, c'est ça. Et ben nous, on essaye de retranscrire ça en toute humilité, mais musicalement, c'est-à-dire comment on... voilà, si on devait donner un peu un parallèle ou un exemple, moi je pense à un film catastrophe. Quand on joue la musique, on pense vraiment à ça, à un film catastrophe, quoi. Oui, mais on peut penser aussi aux pigeons, quoi. Ouais. C'est pas que l'apocalypse, quoi. Tu vois, L'Oiseau Ravage, c'est aussi le pigeon qui est au bord de la fenêtre et qu'on met les picousses là pour pas que, ça nous tu vois, que ça nous embête là. Bon, et puis c'est cet oiseau qui est pas forcément ouais c'est ça et c'est pas forcément l'oiseau qui est coloré qui est beau tu vois qui est joli et du coup c'est aussi l'oiseau voilà donc il y a aussi la poésie à l'intérieur de qu'est-ce que l'oiseau et désacralisé ou aussi tu vois et en même temps. Mais oui, il y a le côté tempête. Quoi. Et oui, et en même temps, il y a le pan qu'on va écouter tout de suite, dont le pan comme paon, mais aussi comme pan du fusil du chasseur qui guette la grive et pan tous les dimanches. Oui, et pan comme le dieu de la nature. Et le dieu de la nature également. Allez, on écoute pan, premier extrait de cet album qui sort aujourd'hui de L'Oiseau Ravage, l'album s'appelant Déplumé. Thank you. Voilà, premier morceau de cet album déplumé de l'oiseau ravage. On y retrouve dans ces morceaux et dans votre spectacle des choses qui étaient déjà dans Anticyclone, cet univers jazz matiné d'une poésie parfois désespérée, parfois loufoque. Dans tous les cas, c'est surréaliste. On y trouve aussi des échos de musique classique pour les thèmes de ces morceaux-là. Et c'est vrai que c'est autant un spectacle de musique qu'un spectacle, j'allais dire, de théâtre, mais avec des grosses parenthèses, parce que vous jouez autant des instruments que des personnages. Et c'est vrai que on a droit de temps en temps à des petite conférence sur les oiseaux de Marek Aselnik. On a droit à des mimiques assez hilarantes de la part de Charlène dès qu'elle prend le triangle pour jouer sur le morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, ou dès qu'elle fait des gargarismes avant de se lancer dans un chant lyrique de haute tenue. C'est vrai qu'il y a tout ça dans l'oiseau ravage, ce mélange de musique aussi, mais de spectacle à voir, qui est peut-être le résultat de votre pratique aussi des arts de la rue pendant des années. Oui, et puis moi j'ai une formation de comédien aussi en premier lieu, et musicien, je le suis de façon plutôt autodidacte, ce qui fait que j'ai appris la musique, le piano, principalement avec la musique de film, donc, et j'ai fait beaucoup de musique de spectacle, donc le fait qu'on soit beaucoup de cet univers-là, et notamment effectivement le théâtre de rue depuis longtemps, moi je travaille beaucoup avec des clowns, avec des magiciens, avec des gens du cirque. Et du coup, ça imprègne pas mal nos inspirations et notre façon de composer à Charlène et à moi. Une façon de concevoir un spectacle, comme on disait dans les années 70, total? Non, parce qu'on n'est pas encore, on fait pas encore de danse contemporaine. Presque, bientôt, bientôt. Bientôt, ouais, bientôt on fera la performance. vous disiez que vous avez appris le piano en autodidacte. C'est peut-être aussi ce qui explique ce jeu de piano, j'allais dire, très rêche, sans gras, débarrassé de toute fioriture, de tout artifice, de toute ornementation. Ben, déplumé en quelque sorte. Ah, hein, ben, oui, joli. Mais c'est vrai que, non, mais sans vous inquiéter, c'est une des raisons qui nous a fait donner ce nom à l'album. Mmh. C'est que, effectivement, moi, j'ai pas tout le bagage de quelqu'un qui sort du conservatoire et qui aurait appris vraiment, qui aurait un grand panel de façon de jouer, notamment en jazz. Les musiciens de jazz d'aujourd'hui, ils ont un niveau qui m'impressionne vraiment, et je suis très très loin de ça. Et du coup, je puise ailleurs, et j'ai toujours puisé en fait ailleurs. Et effectivement, dans les musiques que j'aime le plus, et j'ai beaucoup écouté de musique classique, donc je m'en suis beaucoup inspiré, de musique de film, donc je m'en suis beaucoup inspiré. Et puis je suis un passionné de pop aussi. Donc enfin, effectivement, il y a quelque chose, ce que j'aime bien dans la pop, c'est que c'est extrêmement, quelque part, c'est quelque chose de très rudimentaire et ça vient toucher tout de suite. Mmh. Ou même dans le jazz, dans l'ancêtre du jazz, le blues, la soul. Moi, j'écoute énormément de soul en ce moment, alors que quand j'étais plus jeune, j'en écoutais pas du tout, ça me parlait pas. Ça vous saoulait ? Ça me saoulait. mais aujourd'hui, je découvre à quel point, avec si peu d'accords, si peu de matière. De matière, on arrive à toucher vraiment très très très loin. Voilà, j'aime beaucoup ces deux choses très différentes que sont la musique très élaborée, la musique classique et tout ça, et la musique populaire hyper hyper directe, et d'arriver à faire un mélange de ça, et c'est ce que je préfère faire. Et Charlène, comment on s'inscrit dans cet univers qui est décrit par Marek? Bah, c'est marrant, là, j'avais comme un truc à dire sur le côté brut. Mm-hmm. C'est marrant, tu parles de un côté, ouais, le côté brut qui peut, musique traditionnelle par exemple. Mm. Je pense à ça, tu vois, dans un truc qui est des ritournelles simples qui sont répétées. Et c'est de là la question de la trance, le rock finalement, bam, c'est efficace quoi. Ça y va directement, c'est un côté racinaire. L'oiseau ravage parlait du pigeon, quoi. C'est le pigeon, ça. C'est, tu vois, c'est pas le bel oiseau sophistiqué avec des plumes de partout, nanana. Et en même temps, je trouve ça très beau et très magique, hein, aussi, hein, tout ça, mais. Oui, ça, il vaut quand même mieux. Vous en faites partie. C'est vrai que si Marek peut dire qu'il a une formation musicale un peu empirique, en autodidacte, c'est pas forcément votre cas. Vous avez un trajet, j'allais dire, un peu plus classique. Oui, mais, oui. Mais rien n'est classique avec Charlène Moura, mais un peu plus classique. Bah, un peu plus classique parce que j'ai fait de la ripata ouler, et ça, c'est quand même. c'est une base quand même. Essentiel. Allez, rappelez quelle est cette forme de musicale qui nous vient des Landes de Gascogne. Donc, fifre, tambour, grosse caisse. Moi, je voulais jouer du fifre quand j'étais petite, c'était évident. Donc, je serai fifraire dans ma vie. Voilà, donc j'ai commencé par ça. Donc, ritournelle, on est d'accord sur ce côté. Et puis après, je voulais jouer du saxophone. Bon, il n'y avait qu'une clarinette familiale, donc j'ai joué de la clarinette. Bon, voilà, il fallait s'y faire. Mais quand même, j'ai tellement insisté que oui, j'ai eu un saxophone. Et saxophone, école de musique. Et puis après, non, après les Scratols, j'avais un groupe de musique jeune. C'était la jeunesse. J'ai arrêté tout ce qui est école de musique. Mes parents n'ont pas trop insisté. Ouais. Et voilà. Vous avez fini punk. J'ai fini dans la rue en Argentine. Non, voilà, à chercher en tout cas à redécouvrir mon instrument de manière beaucoup plus. J'ai joué de l'accordéon, j'ai joué de plein de choses, des percussions, etc. En tout cas, j'ai cherché plutôt la musique comme matière au-delà de la question d'une passion très claire ou comment dire. Le saxophone, presque, je l'aime de plus en plus aujourd'hui. Mmh. C'est rigolo. C'est pas quelque chose, c'est pas comme. J'entends beaucoup de musiciens qui disent ah, il y a une passion depuis le début, nanana. Moi, certes, c'était vraiment le saxophone que je voulais jouer, mais j'aurais pu jouer de plein de trucs aussi. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, ah, la vibration du saxophone me touche de plus en plus. Mmh. Cet album enregistré en février dernier lors d'un des premiers concerts que vous avez fait à Toulouse, ça se passait pendant les apéro-concerts du Grand Rond. À l'écoute de cet album, on remarque tout de suite quelque chose, il n'y a pas le public. Pourquoi ce choix-là? Parce que le public du Grand Rond est aussi mauvais que ça. Non, pas du tout. Alors là, on aurait pu garder de très beaux applaudissements. Mais depuis que quoi qu'il est sorti, ça, c'est une deuxième fois qu'on nous fait cette remarque. Et c'est vrai que je regrette presque un peu de ne pas avoir trouvé une façon. Mais on aurait voulu, dans ce cas-là, trouver une façon un peu poétique aussi de l'intégrer. Mmh. Pas de façon très, très claire. Brutal, avec, oui, avec les applaudissements. Il y a quelque chose peut-être d'un peu narcissique qui nous gênait peut-être aussi. Je ne sais pas. Et en plus, on a voulu vraiment le concevoir comme un album à part entière et non pas comme un album live, donc c'est quand même pas ce n'est pas un concert enregistré du tout, c'est 5 concerts qu'on a enregistrés et dont on a pris certains moments. Il y a des morceaux, ça s'entend pas bien sûr parce qu'on a fait un travail autour, mais il y a 5 versions différentes. Le début est pris le mardi et la fin le vendredi. Exactement, ouais, on a fait un montage pour arriver à ressortir. Et si on a fait ça, c'est parce que effectivement, comme on vient du spectacle, du théâtre de rue, du théâtre, on n'a pas trop l'habitude du studio. On avait enregistré en studio avec Anticyclone. C'est des moments qui sont pas évidents pour nous. Ou alors il nous faudrait un mois dans un studio. Mais c'est ou même il y a quelque chose de très particulier. Par exemple, le studio est vraiment fait pour des geeks particuliers. Enfin, je veux dire, faut se mettre dans une position dans le studio. Le studio a le caractère d'une platitude de son. C'est-à-dire, il n'y a pas de résonance. C'est ça qui est un bon studio. C'est ça. C'est un truc qui est sec. Mais moi, le saxophone, ce que j'aime, c'est le son. Alors il faut arriver là, il faut dire ouais, alors en fait dans le retour je voudrais que tu me mettes plus de résonance, plus d'aspect comme ça. Bon, je sais pas en fait, c'est très particulier. Ça c'est un truc pour des gens qui sont bizarres. Moi c'est parce que t'arrives dans je vous rappelle que Charles et c'est le lieu qui te donne de la vibration et qui fait que tu vas bien jouer. Je vous rappelle que Charlène Moura est cette musicienne qui est capable de chanter plein d'air de musique mais qui ne sait toujours pas le titre du morceau ni la personne qui l'interprète. Oui, c'est vrai. Marie, vous vouliez rajouter quelque chose. Ça m'aide pas, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça, au contraire, génial de pouvoir, en studio, avoir quelque chose de, justement, très neutre pour pouvoir, après, le transformer. C'est juste qu'on on n'a pas l'habitude et que c'est intimidant, qu'il nous faudrait beaucoup de temps. Ouais. Et qu'un studio, c'est cher. Donc, on peut pas. Et, donc, voilà, on a pris le parti d'enregistrer en live parce qu'en direct, en concert, on a l'émotion directe avec le public et qu'on était beaucoup plus à l'aise. Mmh. C'est vraiment ça, le premier truc. Moi, j'aurais préféré enregistrer en studio, très clairement. Ah ouais. Parce que c'est plus facile de trafiquer. Là, ça a été compliqué de trafiquer. Il y a tout un concert, on n'a pas pu l'utiliser, le concert du mardi, justement, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé son téléphone allumé et qu'on entend pendant tout le concert. Donc, on a fait un montage sur 4 concerts, mais ce n'était pas une mince affaire. Mmh. Bon, en tout cas, c'était très bien fait. J'en profite pour citer Sylvain Châteauvieux qui a fait l'enregistrement et le mixage. On a fait un travail assez approfondi ensemble. Et Johan Levasseur qui a fait le mastering. Et on était très, très contents du travail qu'ils ont fait avec la matière qu'on avait qui n'était pas évidente du tout à travailler. Voilà. Voilà, en tout cas, cet album, il est sorti. L'Oiseau Ravage, Déplumé. Un album qui sera fêté comme il se doit ce soir à l'impro à partir de 20h30. Comme d'habitude, l'impro devrait être assez gavé ce soir. On ira vous y rejoindre assurément. Merci en tout cas d'être passé par ce studio et à tout à l'heure, j'allais dire. Super, merci. Merci. On écoute tout de suite un deuxième morceau de cet album de L'Oiseau Ravage, Lune Chien, traduction littérale et sans doute hommage à un musicien américain, Moondog. C'est exactement. Ça. Ben ouais, formidable. Thank you. C'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Philippe Pagès, bonsoir. Bonsoir. Ah ben ça y est, il vient juste de se rendre compte que c'était à son tour de parler. Philippe Pagès, ça faisait finalement un bon moment que vous n'étiez plus à passer dans cette émission. On va rappeler que fut un temps, vous étiez le taulier du bijou, que vous avez quitté cette salle il y a une petite dizaine d'années pour aller vous installer là où paraît-il il y a plus de soleil qu'ici. En ce moment, c'est pas très compliqué. Et de temps en temps, vous revenez pour ce festival des tours de chant dont vous occupé de la coordination depuis belle lurette, même si ce festival vous n'êtes pas du tout à son origine, c'est plutôt Hervé Subiette si je me souviens bien et Philippe Courret, mais c'est vrai que le bijou a rapidement rejoint ce festival dédié à la chanson, festival qui existe depuis des lustres, on en est déjà à la 22e édition. Et la question que je me posais, Philippe Pagès, c'est un festival, c'est encore une utilité en 2023? Ben, c'est une question qu'on peut se poser, surtout dans une ville comme Toulouse, puisque les artistes de chansons, ils ont d'autres occasions de venir. Il y a des salles merveilleuses qui font une programmation super tout le temps. Et c'est peut-être l'occasion de mettre l'accent justement sur le travail de ces salles et de mettre en avant un travail permanent qui est fait et d'oser peut-être plus de découvertes, de dire ben là, c'est, on va vraiment vous montrer des gens qui ne sont jamais venus à Toulouse. Vous allez pouvoir venir écouter Sota Salta, Crawl, des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans la région. Mmh. Puisque à l'origine... Des Tours de Chant, c'est le festival de la salle Nougaro. Les premières éditions ne se passaient que là-bas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a plein d'autres salles qui se sont affiliées à ce festival et qui programmaient de la chanson le reste de l'année et qui se sont précipitées pour faire partie de cette fête. Une fête qui, chaque année, permet, vous le disiez, de découvrir des gens qu'on n'a jamais écoutés, qu'ils viennent d'ailleurs ou qu'ils viennent même d'ici. Mais qui font aussi la fête à plein de vieux tauliers de ce style chanson, un style qui quand même, on a l'impression, est en perte de vitesse depuis une petite dizaine d'années. Et oui, on a beaucoup de jeunes chanteurs, c'est-à-dire que la production artistique, elle existe toujours, et des gens très jeunes qui pratiquent cette musique, elle y est, mais avec un vieux public, donc c'est vrai qu'il faut un peu secouer le paletot de tout ça. On cherche toujours à se rapprocher des gens du rap, parce que c'est le renouvellement de la chanson de façon évidente, mais il y a des voix, des cultures, des accès qui sont encore un peu différents, on essaye de chahuter tout ça, on y parvient de temps en temps, des fois c'est plus compliqué, mais il y a beaucoup à faire, et je crois que ça vaut le coup, parce qu'une fois qu'on arrive à ramener un nouveau public vers ces jeunes chanteurs, eh ben tout le monde est épaté, parce que le vecteur est toujours aussi intéressant. Et puis, il s'agit de marteler, encore une fois, de répéter que la chanson francophone, ça peut être en créole, en français, en occitan, elle se joue sur des styles musicaux qui sont très différents. On n'est pas affilié à un seul répertoire. Donc la variété, on peut le dire, la variété de styles musicaux doit aussi permettre des rencontres différentes. Et puis on a des accroches. Alors il y a des moments, on a eu des grandes heures avec le renouveau de la chanson, avec Tetred, Zebda, Négresse Verte, les gens comme ça qui ont tout bousculé. Et puis à Toulouse, avec l'arrivée à peu près à la même époque de gens comme Corentin Grélier, comme Chouf, comme Manu Galure. Oui, ça c'est la version la plus récente il y a 10 ans. Comme les Pauvres Martin. Et c'est vrai qu'on a l'impression que après l'éclosion de cette génération-là, et ça n'arrive pas. Ah, alors sous l'angle artistique, il y a quand même quelques nouveaux qui pointent leur nez. Alors, vraiment localement, c'est sûr que c'est... Il y a Mimi Michel quand même là qui a fait des choses vraiment intéressantes ces temps derniers, des gens qui arrivent avec du renouveau. Mais si on voit un peu plus large et qu'on rentre dans la programmation justement, en ouvrant la porte à des gens qui viennent de plus loin, Georges K qui va jouer au Chapeau Rouge cette année, c'est une jeune fille avec ce prénom, il n'y a pas de S à la fin de Georges. Georges K c'est une fille d'origine vietnamienne qui évoque l'avenue de ses grands-parents qui étaient des boat people, et une fille d'une intelligence remarquable sur un format slam avec deux musiciens, un répertoire vraiment très actuel qui ira plus souvent dans des festivals classés musique actuelle plus que dans des festivals chansons. Et pourtant, il faut absolument venir voir ça, quoi. C'est phénoménal. Et l'intérêt du festival, pour revenir à la question de départ, c'est de faire que Georges K vienne chanter à côté de Corentin Grelier. Effectivement, Corentin, qu'on pourra retrouver avec son nouveau répertoire. Une programmation qui... Et le très nouveau Claude Delrieux. Et le très nouveau, voilà. On rappellera que Claude Delrieux, c'était le même qui jouait dans Tricatrac, un groupe de punk agricole au début des années 90. La salle éphémère, voilà. Avec les bottes de fouet. Voilà, et là, il ne jouait pas de l'accordéon, mais de la guitare électrique. une programmation qui se concocte toujours en groupe ? Oui, toujours, ça c'est vraiment déterminant, c'est ancré dans le fonctionnement des tours de chant depuis le début. Les salles de spectacle et les responsables de salles municipales ou autres amènent des idées en disant « Tiens, moi je voudrais profiter des tours de chant pour montrer tel artiste » ou d'autres fois des gens me disent « Tiens, dans des tours de chant, qu'est-ce que tu pourrais me proposer que tu aies vu à l'extérieur ?» On a vraiment cet échange permanent. Les membres du bureau, c'est l'association des tours de chant a une particularité, c'est qu'on n'a pas choisi des membres de bureau à qui on demande « Tiens, fais un tampon avec ta signature » et puis je te dirai quand les huissiers arrivent. Là, on a un vrai bureau actif avec des gens qui prennent des décisions. Michel Rivérol, qui est notre présidente, va voir beaucoup de spectacles. Une partie de ce qui est programmé là, c'était vient de choses qu'elle a vues. Charlotte Vessière, une jeune bénévole à qui vous aurez l'occasion de parler dans les années à venir, je pense. C'est elle qui va prendre aussi, votre place. Oui, a participé à ça. Philippe Couret, qui a longtemps été à la tête de l'histoire, qui est maintenant retraité, mais vice-président de l'asso, a été en voir quelques-uns aussi. Et puis, les échos qu'on peut avoir, et c'est important d'avoir ce type d'échange. Une des particularités des tours de chant depuis une petite dizaine d'années, ça n'a pas existé au début du festival, c'est cette journée, les coups de pouce qui permettent de faire découvrir un certain nombre de musiciens émergents, comme on dit dans le milieu. C'est quelque chose auquel le festival est attaché. Ah oui. Oui, oui, c'est vraiment important. C'est vraiment le point d'ancrage pour les bénévoles qui viennent ce jour-là. Et aussi la façon d'accueillir quelques collègues professionnels, programmateurs qui viennent là pour faire leur travail à eux, d'aller chercher des nouveautés et qui viennent nous retrouver. Et puis c'est un format particulier et d'avoir tenu à faire une journée découverte. On en trouve dans tous les festivals, mais sur un format long. C'est-à-dire que les gens jouent 40 minutes chacun. On commence à 16h, on finit à 23h. Il y a vraiment 20 minutes de pause entre chaque. On a le temps de changer de plateau. En plus, cette année, il n'y a que les solos guitare-voix. Les techniciens vont s'endormir pendant les pauses, mais on s'en fiche. Et une vraie pause pour manger, où les gens auront le temps de discuter, d'échanger, de parler avec les artistes s'ils veulent, mais de parler avec leurs voisins d'à côté qu'ils ne connaissent pas, mais ils vont faire connaissance. C'est aussi l'intérêt dans le jeu du festival d'avoir des échanges entre les spectateurs. Et oui, sur ces jeunes pousses, c'est même pas un concours. Il n'y a rien à gagner et il n'y a pas de prix du public. Non, mais il y en a un prix, on ne l'annonce même pas, mais c'est la singularité aussi. Il y a un groupe de lycéens qui vient depuis des années et qui nous dit nous on voudrait que celui-là il soit dans le programme l'année prochaine. Ah ouais. Et c'est très étonnant d'ailleurs de voir que les lycéens ne choisissent pas forcément le truc qui a l'air le plus moderne. On s'est fait avoir plein de fois à dire ça, ils vont voter pour ça. Et la dernière fois, c'est Pierre-Antoine, qui fait un piano-voix super classique de la très très belle chanson, mais qui est vraiment le format le plus classique, même avec pas mal de pathos dans les interprétations. C'est lui qui avait gagné le prix du jury de 2020, puisqu'en janvier 2020, nous, on a fait un festival, et monsieur. Vous avez été avec le festival de guitare, le festival de guitare, Post-Guitare, vous avez été les deux derniers à pouvoir jouer avant fermeture. Alors, Post-Guitare, ça joue au mois de juillet, tu dois dire au Camville. Non, au Camville, oui. Festival de guitare de Camville. Festival de guitare de Camville. C'est pas beau d'y dire. Ouais, c'est vrai, mais bon, il est temps peut-être de ranger les voitures. Voilà, donc, Festival des Tours de Chant qui commence donc dans pas très longtemps, ça sera le 24 janvier, fermeture le 4 février, on va consacrer deux autres émissions à ce festival où des musiciens viendront parler et jouer en direct dans ce programme. Une édition que vous jugez comment? C'est vrai que contrairement à d'autres années, il y a finalement peu de grands noms sur cette édition. Oui, alors, je sais pas. Il y a Bertrand Belin, ok. Oui, il y a Thomas Fersen au Bascala, Yves Jamais à la Hallograin. Ça, par contre, c'est un sacré pari. Yves Jamais à la Hallograin. Et oui, c'est. Et il n'y a jamais joué, quoi. Oui. C'est un peu presque le truc, c'est aussi de se lancer ce genre de défi. C'est une opportunité pour des histoires simples. C'est que la tournée l'a amené à passer à Toulouse à ce moment-là. Il a déjà fait deux fois des tours de chant. Le faire une troisième fois, est-ce que ça a du sens? Eh bien, on s'est dit oui. Oui, c'est l'occasion. Là, Hallograin est libre ce jour-là. Lui, il est libre à Toulouse. Les occasions doivent rendre le truc évident de temps en temps. Et c'est... Ça nous a motivés. En plus, ils viennent créer un nouveau spectacle, là, au mois de novembre. Donc, ça vient avec un répertoire entièrement nouveau. Et il y a une particularité, c'est qu'une jeune fille est venue répéter avec lui pour faire une traduction en langue des signes. Mmh. Elle ne sera pas là sur tous ses concerts. C'est au choix des organisateurs. Et nous, on s'est dit que vu le travail que fait le Théâtre du Grand Rond et puis d'autres associations depuis longtemps sur le rapport avec le public sourd, que nous, on ne connaît pas du tout, on s'est dit, on va essayer, on va voir. Et d'après les premiers échos qu'on a, les premiers retours, visiblement, ça va permettre à des gens d'accéder à un beau spectacle à la Hallograin parce qu'il y aura une traduction, mais qui ne sera pas une traduction improvisée, qui est une traduction qui est déjà un travail artistique. Voilà, qui a été abouti. Ça se passera le dimanche 29 janvier à l'Hallograin. En première partie, on pourra découvrir une jeune chanteuse qui suivra, j'allais dire, les traces de son père, puisque une des dernières fois qu'on a pu voir Jacques Higelin jouer, c'était justement à l'Hallograin. Elle suivra les traces de son père, qui s'appelle Arthur H. Oui, de Arthur H. Et de son grand-père, pour le coup. Et donc, Marcia Higelin sera en première partie de Yves Jamais ce soir-là, le 29 janvier. Donc, oui, je le disais, finalement, peu quand même de tête de gondole cette année sur ce festival. C'est quoi? C'est aussi le résultat d'une perte d'écoute de ce style musical? Non, c'est les opportunités. Puis ça, le travail sur les grands noms, il est vraiment contraint à Toulouse par le fait que, bah, tu vois, Dominica, il va jouer la semaine prochaine au Bikini, la Grande Sophie a joué en novembre. Il n'y a pas besoin de des tours de chambre pour ces gens-là. De toute façon, ils vont jouer au moment qui est opportun dans le cadre de leur tournée. Il n'y a pas de raison de les bloquer à les faire venir là. Mais on s'y attache toujours. Et les grands noms, peut-être pas, mais par contre, savoir qu'on amène Debout sur le Zing au métronome, qu'on amène Loïc Lantoine, c'est pas la première fois qu'il joue à des tours de chant, mais dans ce rapport avec Marc Namour et le rap de la canaille, pour aussi le rapport à bousculer un peu les générations et les formes d'écoute dans la chanson, le final au Maza de Fier et Tremblant, ça va être quelque chose quand même. Donc c'est aussi ce côté-là qui ramène, parce que si on met trop de têtes d'affiche, ça va aussi bloquer tout le public sur ces histoires-là, et on aura du mal à montrer les gens qu'on aime bien montrer. Et à remplir les salles sur les spectacles que vous avez aussi envie de défendre. Donc un festival qui commence dans 15 jours, 24 janvier, une adresse internet www.detourdechant.com avec un S à détour. Programmation, elle sera là complète, avec des premiers concerts qui sont déjà pleins. J'ai vu que Bertrand Belin, c'était peut-être pas la peine de se précipiter. Non, n'essayez pas, voilà, c'est vraiment complet, c'est pas des blagues. Ça a l'air d'être complet, mais avec plein d'autres à aller voir. Et moi, je vous je vous conseille d'aller voir cette journée coup de pouce donc, qui se passe le samedi 28 de 16h30 à 23h. Une bonne occasion de voir plein de jeunes artistes qui vont se montrer à Toulouse pour la première fois. Et il y a toujours de très très bonnes surprises sur cette journée-là. Après, le reste, il y a suffisamment de choses. Yannick Jolin, je rêve de le voir depuis des années. Je pense que cette fois, je ne le raterai pas. Ça sera le 27 janvier à Launaguet. Il y a suffisamment plein de choses pour que vous puissiez vous régaler. Là, la fille de Pierre Barou, et là, je suis sûr, c'est sa fille, Maya Barou, qui sera à la CAFPO les 25 et 26 janvier. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même... Maya Barou, dans une rencontre à Pézenas, le journaliste Patrice Demailly lui demande ce qu'il a influencé en chanson française dans sa famille, qu'est-ce qu'on écoutait. Il dit, mon père, il écoutait que ses disques dans la voiture, il nous a fait chier tout le temps. C'était formidable. Shabadabada, shabadabada. Voilà. Et elle, c'est une personnage étonnant, parce que si les gens viennent sous le nom Barou et qu'ils s'attendent à entendre Shabadabada, elle est d'abord flûtiste de formation classique. Elle a beaucoup étudié les chants ancestraux japonais. Il y a une partie qui va être chantée en japonais, même si on est sur un festival de chansons. Oui, puisque sa mère est japonaise. Et il y a un son très actuel et ça va bien décoiffer la CAFPO. Bon, ben voilà, donc tout ça pendant 15 jours, entre le 24 janvier et le 4 février, des tours de chant 22e du nom. C'est presque parti et on s'en fera largement l'écho dans cette émission, mais aussi sur ces ondes campusiennes, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait plein d'autres émissions qui avaient déjà souhaité vous recevoir pour pouvoir parler de ce festival et qui vont relayer aussi ce programme. Merci Philippe Pagès d'avoir quitté votre Roussillon d'adoption. Bon, c'est bien parce qu'on venait du Lot et qu'on passait devant la porte. C'est vrai, justement, juste avant de se quitter, vous venez de Région Ancienne. Deux, trois mots sur ce... Donc, Région Ancienne, on le rappelle, c'est un festival pour les professionnels qui voient plein de spectacles et qui essaient de remplir leur panier pour la saison d'après. Qu'est-ce que vous avez pu repérer et voir? Un festival qui commence le 3 janvier et qui réunit 130 programmateurs affiliés. Déjà, je crois que c'est une sacrée réussite. Bravo à eux. Ils ont vraiment envie. Voilà. Et je crois que pour les artistes, c'est vraiment impressionnant. Et moi, je suis très content du succès qu'a eu Wally avec son spectacle Ma Distinction. Voilà, qu'on a pu voir fin décembre au Grand Rome. Ouais. J'espère que ça fera beaucoup de choses pour lui. Il y avait une troupe de théâtre qui s'appelle En Compagnie des Barbares qui jouait Les Années d'Annie Ernaux. En adaptation à deux comédiens, il faut quand même le faire, c'était formidable. Et puis pour notre catégorie chanson, on a eu de la chance, Éric Larenne jouait son spectacle Chamonix, qui est merveilleux, bien sûr. Et puis Lula Helt et Julia Pertuis ont fait un très beau passage au Doc aussi, donc c'est encore de belles rencontres. Et puis tout ça, ça donne peut-être l'occasion à un ou deux d'entre eux d'aller au Chaînon Manquant derrière, puisque c'est un système un peu pyramidal de sélection vachement intéressant. Ça tombe bien, l'association qui chapeaute tout ça s'appelle Pyramide. Allez, Philippe Pagès, merci en tout cas d'être venu nous parler de cette 22e édition de Détour de chant. Et on va écouter tout de suite quelqu'un qui est programmé dans le cadre de ce festival. C'est même elle qui lancera cette 22e édition. Samuele, on écoute tout de suite La Révolte, Samuele, si je me souviens bien, qui sera... Je crois qu'on dit Samuel. Samuel, carrément. Moi, je le disais à l'italienne, mais vous faites comme vous voulez. Donc, Samuel, avec un E à la fin quand même, sera au Bijou les 24 et les 25 janvier, donc pour le début de ce festival. On écoute tout de suite cette artiste, La Révolte. La révolte comme cri de La cour te pointe du doigt, mais le fou se moque du roi. La révolte colle au bas. Toi le poète, la tête forte, elle résonne sous tes bottes. Honte à toi, crie le roi. La cour te pointe du doigt, mais le fou se moque du roi. On est fou avec toi. La révolte prit maison chez les fous et les sans nom qui tous unis devant le roi se tiennent nombreux. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul, ça m'intéresse pas du tout, t'en fais avec ce chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel! Bouh! Et pendant que nos invités sont en train de papoter et vont continuer à papoter autour d'un verre de blanc, à boire bien entendu avec modération, on va peut-être parler des concerts du soir, parce que si effectivement des tours de chance dans 15 jours, d'ici là il y a plein de concerts qui vont avoir lieu et qui ont lieu à Toulouse, et il y en a encore une bonne quinzaine ce soir à vous proposer. Allez, ce soir ça commence à l'Impro à 20h30, vous l'avez compris, on en a largement parlé ce soir. L'Oiseau Ravage s'installe donc à l'Impro, duo piano sax voix, pour fêter cet album Déplumé qui sort aujourd'hui, donc à l'Impro à partir de 20h30. Le duo Marcel, duo guitare-voix qui est né sur les bancs de l'école de musique musicale, sera ce soir au bar de l'Autruche. Là, je vais donner l'adresse parce que c'est bien la première fois qu'on cite ce bar dans cette émission. Le bar de l'Autruche, c'est 1 rue André Mercadier à Toulouse, dont le duo Marcel. Scène ouverte ce soir à l'itinéraire bis à partir de 20h au Domovoy, le bistrot d'Utopia Borde Rouge. Concert à 19h30 de Diluvienne, un trio vocale pour chant vagabond. Elle chante des chants de la vallée d'Osso, mais aussi des chants bretons ou italiens ou même turcs. Au Beers House ce soir, Jambou Party, funk brésilien, mais qui va aussi chercher du côté de la Colombie à partir de 21h. Soirée Surfing with the Elephants. Un jour, les gens qui programment et qui inventent des soirées à Toulouse se feront un malin plaisir d'écrire tout ça en français. Ça me permettra d'être moins ridicule lorsque j'essaie de parler dans la langue de Shakespeare, que William veuille bien m'en excuser. Dans une soirée Surfing with the Elephant, surfer sur des éléphants, ouais, ça doit pas être très commode. Ça se passe à la Cave à Rock ce soir. Ça, c'est un lieu absolument gigantesque, la Cave à Rock. Une espèce d'ancien stand de fruits et légumes qui est devenu un bar, qui est lui-même devenu un lieu de musique, calé derrière les grands immeubles qui sont sur le boulevard des Minimes. Pour le moment, tout est explosé à côté, ils sont en train de faire des travaux, c'est compris dans les travaux du côté de la gare Matabiau, et eux, ils restent là. C'est la dernière verrue qui est sur le secteur. On espère qu'ils vivront encore très longtemps. La Cave à Rock, dont ce soir programme Black Swans, c'est du heavy rock, Elephant Memories, ça c'est du post-rock, et on finira avec The Surfing Mad Tortillas, et ça c'est du surf rock. Avec des noms de groupe pareils, comment vous ne voulez pas aller assister à une soirée aussi bruyante? Dans une soirée rock ce soir à la Cave à Rock, elle a bien mérité son nom. Chanson courte par contre, courte et désabusée ce soir à Au Bohème avec Attention Pardon à 21h. C'est assez hilarant, même si effectivement l'humour pratiqué est souvent assez noir. À la Candela, du Bluegrass avec les Toulousaines du Lazy Grass String Band à partir de 20h30. Chanson aux bijoux avec les nouvelles chansons de Leila Wissoud à partir de 20h. C'est complet, me dit Philippe Agès. C'est plus le taulier du bijou, mais il est quand même au courant de ce qui s'y passe. Vous avez encore des actions dans la boîte ou quoi? Elle est venue à des tours de chant il y a 5 ou 6 ans. Voilà. Au bijou. Et elle revient et c'est plein. Et donc c'est plein. Donc n'y allez peut-être pas. Bon, il y a toujours des strapontins qui traînent quand même au bijou. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Musique du Maghreb à partir de 21h à la CAF Poésie avec Trap Tour. Avec ce soir un focus qui sera fait sur le Chabi, cette musique populaire algérienne. Enfin, au Taquin, on pourra retrouver Canoa, un groupe de jazz du monde, à partir de 21h. Et on en écoute tout de suite un morceau de ce groupe Canoa qu'on pourra voir donc au Taquin à partir de 21h. Elétrica da forma original das mandalas em linhas, antigeometria fractal. Revelada a forma oculta, perceptível na música, na música do poder eletrônico do cérebro bomba atômico. Avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. Caramel, mou, caramel. Et merci encore à Wally pour ce jingle fabriqué à la maison. Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, retour aux platines de l'incommensurable John Little pour son incredible et génial Little by Little Wicked Show. Et je pense que ce soir, ça va encore cartonner. Demain soir, moi, je vous retrouve pour une nouvelle liste. Et la liste de demain soir, elle a été concoctée par Wally. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous et bonne année à tous, à la semaine prochaine. Caramel.